qui font les procès-verbaux de perquisition, les emprisonnements, les saisies et annotations de biens. En cas de résistance ou de rébellion, ils peuvent appeler à leur secours la force armée et les habitants des lieux qui sont tenus, arbitrairement, à leur prêter appui, secours et assistance dans le ressort duquel ils exploitent. François Ier, ayant appris qu'un de ses huissiers avait reçu des coups de bâton, se mit un bras en écharpe, voulant marquer par là qu'il regardait ce traitement fait à son huissier comme l'ayant reçu lui-même, et que la justice, dont il se regardait comme le premier organe, était blessée en sa personne. L'édit d'Amboise, les ordonnances de Moulins et de Blois, défendent, sous peine de mort et sans aucune espèce de grâce, d'outrager ou excéder des huissiers ou sergents lorsqu'ils font quelques exploits de justice. Jourdain de Lille, fameux par ses brigandages sous Charles IV, fut pendu en 1322 pour avoir éventré un huissier qui l'ajournait au Parlement. Édouard, comte de Beaujeu, fut décrété de prise de corps et emprisonné à la conciergerie pour avoir fait jeter par la fenêtre un huissier qui lui vint signifier un décret. Le prince de Galles, en 1367, ayant empêché un huissier qui venait pour l'ajourner de faire son ministère, fut déclaré contumax et rebelle par le Parlement, et les terres qu'il tenait en Aquitaine furent confisquées. Anciennement, un huissier assignait verbalement les parties, et ensuite en faisait son rapport au juge du lieu en ces termes. « À vous, monseigneur le bailli, mon très douté ou redouté maître, plaise-vous savoir que le « j'ai intimé » à comparaître, etc., etc. » Ce rapport s'appelait « relatio ». L'huissier ne signifiait pas, il mettait seulement son sceau, parce que la plupart ne savaient ni lire ni écrire. Mais maintenant, tous les huissiers sont forcés par les nouvelles ordonnances et obligés de savoir au moins lire et écrire. Tous s'y conforment maintenant. Ils peuvent porter sur eux des armes offensives et défensives pour la sûreté de leur personne et se faire assister d'une force civile ou militaire. Vous ne sauriez donc trop étudier les abris que vous indique mon oncle par ma voix, et ceux que vous présentent les articles du Code qui disent en beaucoup de mots ce que je vais vous dire en très peu d'articles. Premièrement, vous ne pouvez pas être arrêté par eux pour une somme moindre de 100 francs. Ainsi donc, si vous avez la faiblesse de souscrire un ou plusieurs engagements, ne les faites jamais de plus de 99 francs 99 centimes, et d'après cette latitude, vous pouvez doubler, tripler, quadrupler la masse de vos engagements. Deuxièmement, vous ne pouvez être arrêté ni avant ni après le coucher du soleil. De cette façon, la lune devient votre protectrice. Invoquez-la donc, ô vous consommateurs romantiques. Troisièmement, vous ne pouvez être arrêté dans les édifices consacrés au culte, mais seulement pendant le service divin. Belle occasion pour se remettre au courant du répertoire. Profitez-en ne manquant pas un office. Quatrièmement, les résidences royales sont également inviolables pour vous, telles que le Jardin des Plantes, le Louvre, les Tuileries, le Luxembourg, le Palais Royal. Le jardin seulement, les galeries exceptées. Cinquièmement, chez soi, tant qu'on n'en sort pas, pourvu que ce ne soit pas en hôtel garni et que vous n'ayez donné votre adresse à qui que ce soit. Sixièmement, enfin, dans les lieux où se tiennent les séances des autorités qui forment un des principaux corps de l'État. Mais il faut qu'il y ait tenue de séance. Allez donc à la Chambre des députés entendre discuter les honorables défenseurs de nos libertés avec lesquels la vôtre n'a rien de commun. Tels sont les refuges que vous a réservés le Code contre les poursuites des huissiers. Hors de là, vous courrez le risque à chaque pas d'être appelé, saisi par le bras, si vous n'avez pas de jambes, et conduit au lieu dont le nom va vous sauter aux yeux à la page suivante. Voilà. Fin de la section 12. Enregistré par Ezoa en Belgique en mai 2010.